الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وإذا قطعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت بأسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن قطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه. واتصلت بأسباب الشر وصل ما بينه وبين أعداء عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. طيب، ce passage on avait déjà lu. ومن عقوبتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. À la page 118. Les péchés anéantissent la bénédiction de l'existence, des richesses, de la science, de l'œuvre et de l'obéissance. Les péchés, lorsqu'ils viennent se mêler à la vie de la personne, à ses actions, à sa science, ils ont forcément un effet. Quant à la baraka de la science, soit la personne va oublier, soit elle n'arrivera plus à apprendre, soit elle n'arrivera plus à patienter dans les assises de science. Tout cela fait partie du manque de baraka dans l'ilm. Et un des plus grands dangers, un des pires dangers, adam al-amali bil-ilm, le fait de ne pas mettre en pratique sa science. وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة من عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد وضعفه الألباني رحمهم الله. En somme, ils anéantissent la religion et se bâment. Ainsi, on ne trouve pas moins de bénédictions dans l'existence, la religion et la vie d'ici-bas que pour celui qui désobéit à Allah. Et la bénédiction n'a été anéantie sur terre qu'en raison des péchés des hommes. Allah nous dit sur la traduction des sens de ce verset de Surat Al-A'raf: si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Donc ce qui amène la baraka, c'est at-taqwa, c'est la piété, c'est le fait de connaître Allah et de lui obéir. C'est le fait de s'éloigner de sa désobéissance. Le verset suivant: s'ils avaient suivi le droit chemin, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante afin de les éprouver. Tout cela pour dire que l'obéissance à Allah Azza wa Jalla amène al-baraka. Et sa désobéissance l'enlève. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est privé de richesse en raison d'un péché qu'il commet. C'est une réalité, si ce n'est que ce hadith n'est pas authentique, comme a dit Sheikh al-Albani rahimahullah. وفي الحديث إن روح القدس إن روح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط أخرجه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليهما. Dans le hadith, l'Esprit Saint a insufflé en mon cœur, personne ne meurt avant d'avoir totalement obtenu les subsistances qu'on lui a attribuées. Alors craignez Allah et demandez la meilleure façon et demandez de la meilleure façon. Car on ne peut obtenir ce qui est auprès d'Allah qu'en lui obéissant. Et c'est Allah qui a établi joie et bonheur dans la satisfaction et la certitude. Et souci et tristesse dans le doute et la colère. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite un hadith qui est une base dans le domaine de la subsistance pour s'éloigner du péché. Et qui est une base dans le domaine de la subsistance pour réussir dans l'istirzat, tout ce qui est le commerce et la recherche de richesse. La base à établir, à savoir, à connaître, c'est que personne ne meurt sans avoir complété son destin. La part de subsistance qui a été écrite pour Ibn Adam, il ne meurt pas avant de l'avoir complétée. Donc ça amène quoi ? Al-i'timad ala Allah. والتوكل على الله وسلوك سبيل الله. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène le fait de compter que sur Allah et le fait d'abandonner pleinement son affaire à Allah et de chercher sa subsistance dans le chemin d'Allah. À partir du moment où on sait que ce qui nous a été inscrit alors qu'on était dans le ventre de nos mères à 4 mois, à 120 jours, cette base-là, cette part-là, personne ne va mourir sans l'avoir. Personne ne va mourir sans l'avoir. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit fattakullah wa ajmilu fi talab. Craignez donc Allah en faisant ce qu'il nous a commandé, en délaissant ce qu'il nous a interdit. Donc pour avoir ta subsistance, tu n'as pas besoin de commettre le haram. Tu n'as pas besoin de désobéir à Allah azza wa jalla, car cette part elle t'a été inscrite. Tu ne mourras pas avant de l'avoir complétée. Fattakullah wa ajmilu fi talab. Craignez donc Allah et cherchez-la d'une belle manière. فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Ça, c'est la deuxième base à savoir pour Talab al-Rizq. C'est qu'on n'obtient pas ce qui est auprès d'Allah si ce n'est avec son obéissance. Donc celui qui va dans le commerce et la recherche de la subsistance, désobéir à Allah à la recherche de la richesse, il s'est égaré dans cette base. La richesse qu'il cherche, elle est auprès de qui? Elle est auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah lui a montré le chemin qui le mènera à cette richesse. Lui, il dit non. Et il triche. Il dit non, il pêche, il désobéit Allah Azza wa Jalla pour avoir plus de richesse. Parce qu'il ignore ou parce qu'il transgresse cette base. Donc les savants nous disent que dans ce hadith, il y a de grandes bases à connaître pour la recherche de la subsistance. La première, ce qui nous a été écrit, décrété, on l'aura d'une manière inéluctable. Il n'y a aucun doute sur ça. La deuxième, c'est que les richesses que tu souhaites obtenir, Allah Azza wa Jalla ne les a pas mises dans sa désobéissance. Mais plutôt en lui obéissant, il te donne. Non. Les savants disent beaucoup de péchés du Adam sont relatifs à la recherche de la subsistance. C'est un des domaines dans lesquels il y a le plus de péchés. C'est le domaine de la recherche de la subsistance. L'un d'entre eux a un travail où il a 1500 euros par mois. En faisant une désobéissance, on lui fait miroiter qu'il va avoir 1700 euros. Alors il est prêt à désobéir Allah Azza wa Jal pour augmenter son salaire en apparence. Mais comme on va étudier, on verra qu'en réalité, il ne va pas augmenter. Parce que la part de subsistance réelle que la personne a, c'est la part dans laquelle il y a le baraka. Et le baraka, c'est dans la part qu'il a obtenue halal. Qu'il a obtenue de manière halal. Donc s'il meurt en ayant 1 million d'euros, mais qu'il n'y a eu que 100 euros de halal, il meurt, il a 100 euros à son capital. S'il meurt à 70 ans, que pendant 60 ans il a désolé Allah, il meurt, il a 10 ans. La vraie part d'Ibn Adam, c'est la part passée dans l'obéissance d'Allah. La part de sa vie, la part de sa subsistance, de richesse, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un chapitre très important. La personne, elle doit se mettre des bases et des règles dans la recherche de sa subsistance. Elle ne doit pas sortir pour une augmentation en apparence. On lui dit par exemple, tu vas venir dans ce travail, mais il va falloir que tu te rases la barbe. Parce que ton image, ton apparence, elle ne passe pas pour ce poste. Il a un salaire, il a sa subsistance, il paye son loyer, il nourrit sa famille. Mais il aspire à meilleur. Il ne se voit pas dans le bienfait d'Allah. Tant qu'il n'aura pas ses 200 euros en plus, sa vie pour lui, elle ne sera pas bonne. Et Shaitan vient, il lui fait miroiter un avenir magnifique avec 200 euros en plus par mois dans la colère d'Allah Azza wa Jalla. Alors au début, il négocie. Puis Shaitan lui revient. Puis il taille sa barbe. Puis il diminue encore plus sa barbe. Puis il dit il y a une divergence. Puis il cherche des textes. Puis il désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il apprend la vérité et il continue à désobéir Allah Azza wa Jalla. Parce que ne pas rentrer dans la chose, c'est plus facile que d'en sortir. De ne pas rentrer dans la chose, c'est plus facile que d'en sortir. Parce que lorsqu'il va goûter à plus que ce qu'il n'a, et Shaitan va lui venir et lui faire croire qu'il ne pourra plus jamais vivre sans ça. Alors que pendant toute sa vie, il vivait ça. Mais Shaitan va lui faire montrer que sans ça, il n'est personne. Sans ça, il ne peut pas vivre. Sans ça, sa famille seront malheureux. Ses enfants seront malheureux. Et ne pourra pas faire ce qu'il veut, ni acheter ce qu'il veut. Et sans ça, il n'y a pas de qualité sociale, ni d'évolution sociale, ni. Et Shaitan aura joué avec lui. Au final, il va rester dans son péché sans même le détester. Sans même le détester. Alors que s'il revient à cette base, l'âme t'amour, nafsun hatta tastakmila rizqa. Aucune âme ne mourra sans avoir complété sa subsistance. Ça, c'est une base. Toute personne qui cherche son risque, donc nous tous, on doit la connaître. La deuxième, la yunalu ma'indallah illa bita'ati. On obtient ce qui est auprès d'Allah qu'en lui obéissant. Celui qui désobéit Allah pour avoir ce qui se trouve auprès d'Allah, il a une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jalla. C'est comme s'il pensait qu'en obéissant à Allah, Allah ne va pas lui donner. Subhanallah. Allah donne sa subsistance à celui qui lui donne des associés. Et celui qui ne se prosterne pas pour lui. Et toi qui te lèves pour le fajr et qui délaisse les péchés en ayant la capacité de les commettre, Allah va t'abandonner toi et il ne va pas te donner à toi alors que tu as peur de lui, alors que tu lui obéis. Quelle mauvaise opinion aurions-nous alors d'Allah le Seigneur des mondes? Et il y a un hadith dans le char, Cheikh Abd al-Razzaq, Hafidhahullah Ta'ala, dit tout le monde doit le connaître. Tout le monde doit le retenir. Quatre choses, celui qui les connaît, celui qui les a, il réussira dans ce sujet. Arba'un, quatre choses, idha kunna fik, si tu les as en toi, fala alayka ma fataka min ad-dunya. Tu n'auras plus à te soucier de ce que tu auras raté de ce bas-monde. Quatre choses, celui qui les a, peu importe ce qu'il lui manquera de la dunya, ce qu'il aura manqué de la dunya. Premièrement, sidq hadith, la véracité dans les propos. Il dit toujours la vérité. Deuxièmement, hifdhu aman, il préserve le dépôt. Il ne trahit pas. Il ne trahit pas. Troisièmement, husnu khaliqa. Ni là, la bonne apparence. Le troisièmement, c'était tibu tu'ma. Il mange que du halal. Il se nourrit que de halal. Et quatrièmement, husnu khaliqa. Quatre choses, celui qui les a n'aura plus à se soucier de ce qu'il ratera, ce qu'il manquera de ce bas. Tant que tu as ça, tu obtiens ta subsistance avec ces qualités-là, peu importe ce que tu rateras. Peu importe ce que tu rateras. La personne, elle est éprouvée dans le commerce. Plus la personne gagne de l'argent, plus elle sera éprouvée dans son commerce. Elle arrive à un point où on lui dit, tu peux augmenter ton bénéfice d'un tiers. Non. Il gagne 2000 euros par mois. On lui dit, j'ai quelque chose pour toi. Si tu le fais, tu peux passer à 3000 euros par mois. C'est énorme. Mais il y a des choses. Non. Il y a des choses à faire. Il dit quoi? Faut que tu fasses, il faut que tu triches. Faut que tu triches. Faut que tu mentes. Donc là, il perd quoi? Sidq ou hadith. Première étape, il perd la véracité. Il passe de la sphère des siddiqis ou des sadiqis, des véridiques, à la sphère de quoi? Al-kadibin al-kadabi. Pour 1000 euros, il a ôté le vêtement de la véracité et maintenant c'est un menteur. Quand on passe, on dit le menteur. Lui revient le droit, les mauvaises appellations, comme on a déjà vu parmi les effets des péchés. Pour 1000 euros, c'est plus le véridique, c'est le menteur. C'est le menteur chez Allah. Il ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah, menteur, comme dans le hadith. C'est le menteur chez Jibril, Mikaël, Malaika. C'est le menteur chez les gens. Sidq ou hadith, c'est la première chose. Deuxième chose, hifdhu amana, il préserve le dépôt. Il se peut qu'il augmente son bénéfice de par la trahison. Désormais, c'est plus le propre, c'est le traître. C'est le khan. Il fait partie du nombre des khawan. Plus des omana, des khawan. Il triche, il trahit, il ment, il arnaque. Il reçoit donc cette appellation par la suite. Troisièmement, tibu tu'ma. Il se nourrit que du halal. Il rentre dans un travail, il y a de la viande qui n'est pas halal, il doit la porter, ou il doit la servir, ou il doit la transporter, ou de temps en temps seulement, il y a de l'alcool. Qu'est-ce qu'il va faire? Son bénéfice provient de là, son argent sera haram. Au Jum'a, il ne peut plus assister dans ce travail-là. Il va travailler pendant Jum'a, son argent gagné à ce moment-là, il sera haram. Et il va se nourrir de haram. Il va nourrir son épouse de haram. Il va nourrir ses enfants de haram. Et lorsqu'il dépensera pour les gens, il les nourrira de haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout corps qui a grandi de haram, fannaru awla bih, le feu est plus à même de l'accueillir. Kullu jismin nabata min suht, fannaru awla bih. Le corps que tu as nourri de haram, tu as élevé la famille avec du haram, l'enfer ou le feu est plus à même de le recevoir. Plus à même de le recevoir, iyadun billah. Même des voyous, même des gens qui travaillent dans le sale, ont un reste de aql et de raison, ils disent, ah non, moi quand je me marie, je ramène pas de haram chez moi. Il n'a pas la raison, il n'a pas le dit, mais subhanallah, le peu de fitra qui lui reste, il dit, ah non, je n'aurai pas ma famille de haram. Il est plongé dans le haram, il vend le haram, il travaille dans le haram, il se lève, il se couche dans le haram. Mais le peu de khel qu'il y a encore en lui, lui fait dire une parole que des gens qui viennent au masjid, qui prient, ils ne font pas. Il dit, moi, ah non, quand je me marie, je ne ramène pas le haram chez moi. Ça, c'est dans le cœur de toute personne. Ça, c'est la base, c'est connu et reconnu chez les gens du bien, chez les gens du mal. Qu'on ne nourrit pas la personne qu'on considère de haram, femme et enfant. La personne, elle se lève dès le matin avec difficulté. Elle va porter du haram. et ensuite son argent est haram, elle ramène ça dans la bouche de son épouse, a'oudhu billah, dans la bouche de ses enfants, son sang, il est rempli de haram, a'oudhu billah. On va porter du bois et on l'emmène au marché, on le vend, c'est meilleur que de rentrer dans la bouche de ceux qu'on aime, le haram. On marche avec un seul vêtement chaque soir, on le lave et on le remet le lendemain avant qu'il sèche, c'est meilleur qu'on ramène du haram chez nous. Subhanallah. Comment est-ce que l'enfant va grandir depuis tout petit, il voit son père qui sort le matin, qui rentre le soir dans le haram. Et lorsqu'il est à l'école et on demande à chaque enfant, ton père fait quoi, ton père fait quoi, lui il a honte, il n'ose même pas répondre. Il est humilié à cause des péchés de son père. C'est une villa pour le père, puisqu'elle se répercute cette humiliation sur ses enfants. Non. Allah musta'an. Ça c'est une troisième base. Et la quatrième, husn khaliq. Donc on doit craindre Allah Azza wa Jal, et dans tout commerce, on a ces bases-là devant vous, devant nous, entre nos yeux. On nous demande un écart pour avoir plus d'argent. On se pose cette question. Est-ce que on est prêt à recevoir l'appellation de menteur, tricheur, arnaqueur? Naam. Celui qui remplit son cœur de son corps de sourde, celui qui donne à manger à sa femme et ses enfants, haram. Est-ce qu'on est prêt à passer de la noblesse à cette humiliation, ce rabaissement, cet avilissement? Tout ça pourquoi? C'est pas des gens qui meurent de faim qui font ça. Ce sont des gens qui veulent améliorer, comme ils disent, leur fin de mois. Et en réalité, ils détruisent leur mois tout entier. Puis leur vie tout entière, wal'iyadu billah. Donc les gens sont éprouvés. Les gens sont éprouvés. C'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal donne des richesses en telle qu'il l'a aimé. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. Allah nous dit kalla, c'est pas comme ça. Lorsque l'homme, on lui donne, on lui élargit sa subsistance, il dit mon Seigneur m'a honoré. Et lorsqu'on lui restreint, il dit il m'a humilié. Allah il dit non, c'est pas comme ça, c'est pas ça la mesure. Quand Allah vous donne, ça veut dire qu'il vous aime. Quand il ne vous donne pas, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Allah dit qu'Allah, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas selon ta richesse qu'Allah t'a aimé ou pas. C'est selon ta taqwa, selon ta piété, selon ton dîn, selon ton accrochement à ce dîn. Tu vas voir si tu es proche d'Allah ou tu es loin d'Allah. Pas selon ce que tu as dans ta main. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est décédé avec une dette. Le prophète, alayhi salam, des mois, on n'allumait pas le feu dans sa cheminée. Non. Pourtant, c'est celui qu'Allah aimait le plus. Mais ad-dunya, c'est pas le mada, la référence de cet amour. Donc, il faut vraiment étudier ce sujet-là. Et celui qui rentre dans le commerce, il étudie le halal, le haram, il étudie les règles. Certains font du commerce, ils tombent dans le riba. Sans s'en rendre compte. Certains le font, sciemment. Font des crédits avec un terrain, c'est fuite, on parle même pas de ça, ça c'est une kabira, c'est évident. Mais certains tombent par ignorance alors que ce sont des gens de bien qui veulent faire le bien. Mais ils n'étudient pas les règles du commerce, ils tombent dans le riba. Ils tombent dans le riba. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد رحمه الله أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركة منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنة تدرك السامع من الولد وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر في كثرة الشهور ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. Ça c'est une parole très très importante, une faïda عظيمة جدا. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, nous dit, nous avons déjà cité, mentionné là par l'imam Ahmed dans Az-Zuhd, un livre, je suis Allah, il n'y a de divinité ni d'adoration que moi. Si je suis satisfait, je bénis, ma bénédiction n'a pas de limite. Et si je me courrousse, je maudis, ma malédiction parvient jusqu'au septième enfer. Retenez cette parole. Ainsi, l'étendue des richesses et des œuvres ne dépend pas de leur nombre. C'est pas parce que la personne a 100 000 euros qu'elle a plus que celui qui a 50 000 euros. C'est ça que nous dit Ibn Qayyim. Et c'est pas parce que la personne a vécu jusqu'à 100 ans qu'elle a vécu plus que celle qui a vécu jusqu'à 60 ans. C'est cela qu'Ibn Qayyim nous dit ici et l'explique. Ainsi, l'étendue des richesses et des œuvres ne dépend pas de leur nombre. Pas même que la longueur de l'existence ne dépend du nombre des mois et d'années. Mais l'étendue des richesses dépend de la bénédiction en soi. Plus tu as la baraka dans ton argent et ta vie, plus tu as vécu longtemps et plus tu as été riche. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره بل حياة البهائم خير من حياته فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه وطمأنينة بذكره والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد عوض وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البت. Le passage là, il a noté à comprendre, à propager. نعم, on est allé de la propagation des mensonges et des choses inventées, non vérifiées. Non. Nous, Ahle Sunnah, Talabat al-Ilm, on est plus en droit de propager le khayr, de propager le bien. Ça, c'est ce qui est utile aux gens, de leur faire connaître cela, de leur propager cela. Il a précédé que l'existence de l'homme est en fait la durée de sa vie. Et il n'y a pas de vie pour celui qui se détourne d'Allah et se préoccupe d'autre que lui. Et plus encore, la vie des bêtes, des animaux, est meilleure que celle de celui qui agit ainsi. Car la vie de l'homme n'est que la vie de son cœur et de son âme. Et il n'y a de vie pour son âme que dans la connaissance de son Créateur. L'amour et l'adoration qui lui sont voués à lui seul. Le retour vers lui, la sérénité dans sa mention, la recherche de sa proximité. Celui qui manque cette vie, manque tout bien. Celui qui manque la vie en étant proche d'Allah, en ayant Allah pour seule divinité digne d'être adorée, en ayant Allah pour le mentionner, en comptant que sur Allah, en plaçant toute sa confiance en Allah. Celui qui manque cette vie dans le tawhid, il manque tout bien. Il manque tout bien. Quels que soient les substituts qu'on lui accorde dans ce bas-monde. Si on lui donne tout ce bas-monde, il aura quand même raté sa vie. Plus encore, ce bas-monde dans son ensemble ne peut être un substitut à cette vie. Si on réunit tout ce bas-monde et qu'on le donne à la personne qui a perdu Allah et perdu la religion d'Allah, ça ne saurait combler le manque. Car l'homme peut trouver un substitut à toute chose qu'il perd, alors que rien ne remplace Allah s'il le perd. Ça, c'est un passage magnifique. Si on sort du livre, qu'avec ce passage-là, on aura réussi, Inch'Allah. Non. De toute chose que tu perds, tu peux la remplacer. Mais si tu perds Allah, rien ne pourra venir le remplacer et la personne aura raté sa vie tout entière. Même si on venait à lui apporter tout ce bas-monde avec ce qu'il contient. Puis Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, continue et dit « Wa kayfa yu'awidu al-faqiru bidhat anil ghani bidhat » والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق ومن لا وجود له ولا شيء ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البت عمن غناه وحياته وكمال ووجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن لا عمن له ملك السماوات والأرض. Comment substituer, comment remplacer celui qui est le riche par essence, par celui qui est pauvre par essence? نعم كيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق فمن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض. Comment substituer celui qui est le riche par essence par celui qui est pauvre par essence? Celui qui est capable par essence par celui qui est incapable par essence? Celui qui est le vivant qui ne meurt pas par celui qui est mort, le créateur par la créature? Celui dont la richesse, la vie, la perfection, l'existence et la miséricorde comptent parmi les implications de son essence par celui qui n'a aucune existence et ne possède rien par essence? وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطان عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة وذكره وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه وكل ما نسب إليه مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيت الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة وصفى بالبركة في 6 آيات من كتابه فلا مبارك إلا هو وحده ولا مبارك إلا ما ولا مبارك إلا ما نسب إليه أعني إلى الألوهي إلى ألوهية ومحبة ورضا وإلا فالكون كل منسوب إلى ربوبية وخلقه كل ما باعده من نفسي من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه وكل ما كان قريبا من ذلك ففي من البركة على حسب قربه منه. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: la désobéissance à Allah est une cause d'anéantissement de la bénédiction des richesses et de l'existence. Car Satan en est le régisseur. À partir du moment où la personne s'éloigne d'Allah et de son obéissance, elle n'est plus proche d'Allah. Elle est désormais proche du Shaytan et c'est Shaytan qui vient régir ses activités. De même que leurs adeptes. Son pouvoir sur eux et sa direction de tous de tous les adeptes des péchés ainsi que de toutes choses liées à Satan voit sa bénédiction anéantie. De tout, ça s'écrit comme ça. Qui a un bon niveau en français? Pourquoi c'est pas un T et un S? Les adeptes. Comment? Ça doit être un S. Taïe. Il y a un frère qui m'avait rappelé une règle lors du cours précédent. Il y a deux cours, j'avais posé une question. Pourquoi est-ce qu'il y a N? Non, s'il est présent, il nous expliquera. Donc la personne qui s'éloigne d'Allah, de sa mention, de son adoration, voit Shaytan proche de lui. Et les adeptes du Shaytan, pareil. C'est pour cela qu'Allah, c'est pour cela qu'a été légiférée la mention du nom d'Allah au moment de manger, de boire, de s'habiller, d'enfourcher une bête ou d'avoir un rapport charnel. Ceci en raison de ce que comporte le nom d'Allah comme bénédiction. Et la mention de son nom éloigne Shaytan et fait survenir la bénédiction. Rien ne peut s'y opposer. Et toute chose qui n'est pas faite pour Allah est dénuée de bénédiction. Car le Seigneur est seul à bénir. Toute bénédiction émane de lui. Tout ce qui est lié à lui est béni. Sa maison sacrée est bénie. Son carquois sur terre, qu'est le châle, est une terre bénie. Il l'a décrit par la bénédiction en cet endroit de son livre. Moi j'ai 6 endroits en arabe. Si une autre personne a 7 en arabe, elle me le signalera. Sinon c'est 6 endroits, il faut corriger. Six endroits de son livre. Il est donc le seul à bénir. Et n'est béni que ce qui est lié à lui, c'est-à-dire sa seigneurie, sa création. Tout ce qu'il a éloigné de lui comme individu, propos et œuvre, ne comporte aucune bénédiction et aucun bien. Et tout ce qui est proche de lui comporte la bénédiction en fonction de la proximité vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est une règle. Plus la personne est dans l'obéissance d'Allah et proche d'Allah, plus elle obtient de la bénédiction d'Allah. Et une grande règle de croyance, c'est que Al-Baraka min Allah, ça faut le noter, le savoir. Al-Baraka min Allah, la bénédiction, elle provient d'Allah. Seul Allah est capable de bénir et de rendre une chose bénie. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Non? Et de rechercher la bénédiction auprès d'un autre qu'Allah, de rechercher la bénédiction auprès d'un autre qu'Allah, comme un arbre, comme une tombe, non? Et autre, c'est du shirk. Naam, c'est du shirk. Wa ja'alani mubarakan ayna ma kunt. Et il m'a rendu béni où que je sois. Et Isa ibn Maryam, Allah Azza wa Jal l'a rendu béni. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a rendu béni. Donc, al baraka min Allah. La bénédiction elle émane d'Allah. Et nul ne serait béni ou rendre béni. Nous, on peut demander à Allah qu'il bénisse une chose. Nous, on peut faire dua. Allahumma barik fi kada. Le prophète dit lorsqu'on voit une chose qui nous plaît, de dire Allahumma barik. Naam, et une erreur commise chez certaines personnes du Maghreb, c'est qu'au lieu de dire la dua, naam, ils font référence à Allah. Ils disent tabarak Allah. Tabarak Allah et Allahumma barik, ou bien barak Allah fi, c'est différent. Tabarak Allah, c'est une éloge à Allah. Barakallahu fik, Allahumma barik, ça c'est une dua, tu demandes à Allah de le bénir, c'est ce qui est demandé. Quant au fait de dire tabarakallah, ça c'est une éloge qui revient à Allah, c'est pas une invocation, c'est pas une dua. Est-ce que c'est compris? Ça c'est une chose qu'on entend dans de nombreux foyers. Ils pensent que tabarakallah veut dire barakallahu fik, pas du tout. Barakallahu fik, c'est une dua, tu demandes ô Allah, bénis telle chose, telle personne. Tabarakallah, là tu fais l'éloge d'Allah Azza wa Jal. Là tu fais l'éloge d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut transmettre cela et corriger cela. Les deux paroles sont bonnes, mais lorsque tu veux dire cela, il ne faut pas dire ceci. Donc plus la personne est proche d'Allah et obéit à Allah, plus Allah Azza wa Jal lui accordera bénédiction dans sa personne, sa vie, son argent et ses biens. Même la personne qui entre chez elle, si elle dit Bismillah, elle shaytan dit à ses adeptes, la mabita lakum, vous n'avez pas de lieu de séjour ici. Si lorsqu'elle mange, elle dit Bismillah, il leur dit, vous n'avez pas de nourriture ici. Ainsi, la personne, en mentionnant Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il se passe? Elle est proche d'Allah. Son foyer devient béni, sa nourriture devient bénie, ses proches deviennent bénis. Et elle exclut le shaitan et sa proximité. Quant à celui qui délaisse la mention d'Allah, c'est lui qui se retrouve proche des shayatins. Wadidul baraka al-la'ab. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Une chose à rappeler dans le domaine de la baraka, certaines personnes portent des bracelets en fer et lisent c'est bien sur la peau. Et ça ramène le baraka. Na'am, ala kalam batil. Ah, ala kalam batil. J'ai beaucoup d'Africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un bracelet, un gris-gris porte-bonheur. Ah, la shirk. Ça, c'est du shirk. Et chez beaucoup d'autres, ils mettent des bagues. Ils mettent des bagues et dans le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ce qui est surélevé. Ils mettent un écrit dedans. Que le... ils mettent un talisman. Ce que le fri, comment on dit en français? Le marabout. Et le... Le sorcier. Et tous ces kadhabin, afakin. Sahar, Mouchaouidin et autres, ils mettent, ils écrivent, et ils mettent, et la plupart de ces gens sont illettrés, ils ne savent même pas ce qu'il a écrit ceci ou cela, et ils se font avoir, ils disent non, mais il m'a dit que c'est du Coran. On ne prend pas la parole du menteur. C'est un mouchrik, c'est un kadhab. Comment est-ce qu'on prendrait sa parole? Il n'a pas eu honte de mentir sur Allah. Comment est-ce qu'il ne va pas te mentir à toi? Il n'a pas honte de trahir le tawhid. Comment est-ce qu'il ne va pas te trahir toi? Il n'a pas honte de ramener le fruit du shirk chez lui pour nourrir sa famille. Je crois qu'il va te respecter, toi, te dire la vérité à toi. Quelle que soit la chose qu'il mette à la kulli hal, ça c'est haram. Naam, c'est haram. Celui qui porte un bijou parmi les hommes, une chaîne, une gourmette, hein, une chaîne, une gourmette et ce genre de choses-là, il a une ressemblance avec les femmes. Les hommes, les musulmans, les hommes, ils se décorent pas le corps avec des bijoux. Ça c'est pour les femmes chez nous. Hein, les musulmans, ça c'est chez les femmes. Quant à l'homme, il peut mettre une bague. Mais certaines personnes mettent une bague, naam, et pensent que ça porte bonheur, ça amène le bien ou ça repousse le mal. Ça c'est une tamima, ça c'est du shirk. Ça c'est du shirk. Et d'autres mettent un bracelet en fer, avec des choses dessus, des fois au sang. Et le simple fait de lui dire enlève, il panique. De par l'attachement de son cœur à cette chose. Parce que depuis tout le temps, on lui a dit, faut pas l'enlever. Ça te protège. Faut pas l'enlever. Par ça, Allah te protège. Attention, kada, attention, kada, attention, si tu voyages sur ça, il va t'arriver. Kullu hada batil. Tout ça, c'est faux. On n'a rien sur nos poignets, on n'a rien autour de nos cous. Et Allah Azza wa Jalla nous protège. Subhanahu wa ta'ala. Celui qu'Allah protégeait le plus, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète Ibrahim alayhi wa sallam, il n'avait rien, les gens sont tous unis contre eux. Allah les a secourus. Ibrahim alayhi wa sallam a été jeté dans le feu, subhanallah. Allah Azza wa Jalla l'a secouru avec hasbi Allah ni'ma al-wakil, avec le tawhid. Pas avec un bidet, avec un bracelet ou je ne sais quoi. L'un d'entre eux, un accident, il ne lui arrive rien. On lui dit Alhamdulillah, il dit non, c'est ça. Il montre un bout de fil ou là, un bout de fer, il dit ouais, t'inquiète pas, j'avais ça. A'oudou billah. Ça c'est du shirk, c'est batil, c'est faux. Et en plus, c'est bête, en plus d'être faux. Non. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que même les anges, malgré la grandeur de leur création, ils ne peuvent rien pour toi. Si Allah Azza wa Jalla te touche d'une chose, personne ne pourra l'enlever si ce n'est lui. Personne ne peut t'amener le bien ou repousser le mal si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Donc toutes ces choses-là, il faut les enlever. Après, il restera celui qui dira, moi, c'est pas pour... un gris-gris ou quoi, moi c'est pour m'embellir. Ou c'est comme ça. On lui dit alors c'est haram. Ça c'est une ressemblance avec les femmes. Ou bien c'est haram, c'est une ressemblance avec ceux qui font du shirk. Ceux qui font du shirk. Non. Et la société a fait que les gens qui jadis se réclamaient de la virilité, hein, au jour d'aujourd'hui ils se décolorent les cheveux, ils se rasent une partie de la tête et laissent le reste. Et ils vont dans des salles de musculation mixtes avec la musique. Et ils ont de force que l'apparence. Et ils n'arrivent pas à tenir deux raka'a dans salat al-tarawih. Ils sont faibles. Et ils mettent des vêtements plus serrés que les foussaq, que les gens de la perversion. Et eux, ils prétendent être des hommes forts et virils et ainsi de suite. Subhanallah, les mamans, elles étaient plus fortes qu'eux, ces gens-là. Pas de respect ni pour leur apparence, ni pour leur honneur. Ils ont perdu leur virilité. Et ils ont perdu leur virilité, ils se décorent le corps. Et ils se décorent le corps, ils s'habillent. On ne peut même plus dire comme qui. Ils se trouent leurs vêtements, ils se décolorent les cheveux. Et j'en passe. Et on a honte de citer ces choses. Mais c'est pour qu'on fasse attention à nous et aux autres. Et celui qui a été affecté par ça et qui entend le rappel, qu'il dise Alhamdulillah qu'Allah m'a guidé et m'a fait montrer cet égarement, il se corrige. Il remercie Allah Azza wa Jalla. فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Une terre qu'Allah maudit, une personne qu'Allah maudit, une action qu'Allah maudit, c'est la chose la plus éloignée du bien et de la bénédiction. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به كان منه بسبيل فلا بركة فيه بت. Et toute chose qui sera annexée ou rattachée dans quelconque chemin, il n'y aura pas de bien ni de bénédiction dans cela. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه. Et remarquez qu'Allah Azza wa Jalla a maudit Iblis, son ennemi, et il en a fait celui qui est le plus éloigné parmi ses créatures. وكل ما كان من جهتي فله من اللعنة فله من نعمة الله بقدر قربه منه واتصاله به. Et tout ce qui sera en rapport avec le shaitan et qui ira dans sa direction recevra une part de malédiction proportionnellement à son lien avec le shaitan qui est maudit. فمن ها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل وكل وقت عصيت الله فيه أو ما أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس له من عمري ومالي وقوتي وجاهي وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ابن القيم رحمه الله تعالى مجي. C'est la raison pour laquelle les péchés ont la plus grande conséquence dans l'anéantissement de la bénédiction et de l'existence, des richesses, de la science et des œuvres. Tout temps en lequel on désobéit Allah, tout bien par lequel on désobéit Allah, ou tout corps, prestige, science ou acte est au désavantage de celui qui commet ce péché et non à son avantage. Ainsi, il n'a pour lui, de son existence, ses biens, sa force, son prestige, sa science et ses œuvres, que ce par quoi il a obéi à Allah. Ça, c'est une règle qu'on a compris. La part que nous avons de notre vie, la part que nous avons de nos richesses, de notre force, de nos biens, n'est que la part qui a été dans le halal, obtenue dans le halal, dépensée dans le halal. C'est avec quoi on se rapproche d'Allah. من يعيش في هذه الدار مئة سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها كما أن منهم من يملك القناطير المحنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله من الحقيقة في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوه وهكذا الجاه والعلم في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالمون أو متعلم. قال الترمذي وحسن الألباني رحمه الله. وفي أثر آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله. هذا ضعفه الألباني رحمه الله. فهذا هو الذي في البركة خاصة والله المستعان عليك كلام. Donc celui qui est proche d'Allah, Allah bénit sa personne et ceux qui s'y rapportent. Celui qui est proche du shaytan, Allah maudit le shaytan, et lui et ses biens et ce qu'il fera sera maudit en fonction de son lien qu'il aura avec le shaytan. Et rappelez-vous le verset dans sourate An-Nisa, inna ibadi, ou plutôt in yad'u min dunihi illa inatha wa yad'una illa shaytan marida la'anahu. Allah azza wa jalla maudit le shaytan. Et dans l'autre verset, inna ibadi laysa laka 'alayhim sultan. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Le sultan du shaitan, le pouvoir du shaitan, il est sur ses adeptes, ceux qui s'éloignent d'Allah. Mais lorsque la personne est proche d'Allah, elle évoque Allah, l'obéit à Allah, elle est préservée. Elle est dans une forteresse préservée par Allah Azza wa Jalla. Certaines personnes finissent leur vie, elles n'ont pas un an. Parce qu'elles n'ont pas passé un an dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, toute sa vie dans le haram. La personne atteint 90 ans, elle n'a pas connu Allah, elle n'a pas connu son messager sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas prononcé shahada, elle ne s'est pas prosternée, elle n'a pas fait de khair. Cette personne, elle n'a pas eu de vie. Et la vie des animaux est meilleure que la sienne. Non. Donc, nous, notre âge, on sait désormais l'âge qu'on a vécu. C'est l'âge qu'on a passé dans l'obéissance d'Allah. C'est l'âge qu'on a, c'est le temps qu'on a passé dans l'obéissance d'Allah. C'est pour cela que le prophète sallam nous dit khayrukum man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Le meilleur d'entre vous est celui qui aura vécu longuement et qui aura fait de bonnes actions. Lui, il a une bonne vie. Lui, il a vécu longuement réellement. Haqiqatan. Et le pire, c'est qui? C'est celui qui a vécu longuement dans le haram. Longuement dans le haram. Certaines personnes, de par cette baraka, de par cette bénédiction, elles meurent et leurs actions continuent encore. Parce que dans ce bas monde, elles ont vécu réellement, elles ont semé du bien. Elles ont fait de bonnes recommandations, elles ont laissé un enfant pieux. Elles ont fait des sadaqas, elles ont financé une mosquée, un puits, une école. Elles ont encouragé une personne à étudier la science. Elles ont appris, elles ont ramené la science chez elles. Toutes ces personnes, lorsqu'elles décèdent, on les mentionne bien, on fait du'a pour elles, elles ont encore des hasanat. Toutes ces personnes, après leur décès, leur hasanat continue. Donc ces gens-là, certes, ils sont morts, mais Allah Azza wa Jalla leur inscrit encore les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla leur inscrit encore leurs bonnes actions. Et dans le hadith, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses actions s'arrêtent, sauf une aumône qui perdure, une science de laquelle on continue à tirer profit, et un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Et dans sourate Yasin, ماذا وآثارهم. Allah Azza wa Jal nous montre qu'il inscrit aussi leurs effets. C'est-à-dire, après leur mort, ceux qui continuent comme action, on leur inscrit cela. On a tout ma qaddamu wa athara. Ainsi, parmi les gens, certains vivent une centaine d'années alors que leur existence réelle ne dépasse pas 10 ans. De même, d'autres possèdent des fortunes immenses d'or et d'argent, alors qu'en vérité, leur valeur de bien ne dépasse pas 1000 dinars. De même pour leur rang et leur science. Je rapporte que le prophète sallam a dit, ce bas monde est maudit, et ce qu'il contient est maudit, sauf la mention d'Allah, ce qu'il aime, le savant, et ce qui apprend. Et celui qui apprend. Ibn Baz a expliqué ce hadith, il a dit, ay qallat barakatu. Ça veut dire, il y a peu de bénédictions. C'est maudit, c'est-à-dire il y a peu de bien et de bénédiction. Dans un autre hadith, ce bas monde est maudit et ce qu'il contient est maudit, sauf ce qui est voué à Allah. Ce hadith est faible. Voilà ce qui comporte exclusivement la bénédiction. Qu'Allah nous vienne en aide. Et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. L'effet suivant, ومن عقوبتها أن تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. فإن الله خلق خلقه قسمين علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية والأسفل وأسفل السافلين وأسفل السافلين مستقر السفلة، وجعلها لطاعة الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصية الأسفل أسفلين الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصية الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعلها لطاعة أكرم خلقه عليه وأهل معصية أهون خلقه عليه، وجعل عزة لهؤلاء والذلة للصغار والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة جعل الرزق تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. Les péchés font tomber le pécheur parmi ceux qui sont au plus bas degré, après qu'il ait été préparé à être au plus haut degré. Allah Azza wa Jalla nous a créé et nous a ordonné de l'adorer. Il a créé l'homme sous sa plus belle apparence et il nous a poussé à lui obéir pour être anobli dans ce bas monde de l'odeur. La personne qui va délaisser ce but et délaisser l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, alors qu'elle a été préparée à être élevée, elle va tomber, elle va chuter dans les plus bas degrés. Car Allah a divisé ses créatures en deux: ceux qui sont au plus haut degré, ceux qui sont au plus bas. Il a fait de ceux qui lui obéissent ceux qui sont plus haut degré en ce bas monde et dans l'au-delà, et ceux qui lui désobéissent ceux qui sont plus bas degré en ce bas monde et dans l'au-delà. De même qu'il a fait de ceux qui lui obéissent ses créatures les plus nobles et de ceux qui lui désobéissent les plus vils, et qu'il a accordé la puissance aux uns et l'humiliation et la servilité aux autres. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé avec l'épée, ou j'ai été envoyé par les pas à l'approche de l'heure, pour que l'on adore qu'Allah sans lui associer quoi que ce soit. On a mis ma subsistance sous l'ombre de ma lance, et l'avilissement et la bassesse à quiconque s'oppose à mon ordre. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ويزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته سعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس، ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا ينفي سعوده ألفا فلا يفي سعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا تكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نار البخاري ومسلم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: à chaque fois que le serviteur commet un péché, il descend un degré plus bas, et il ne cesse de descendre jusqu'à tomber parmi les membres des plus bas degrés. Et à chaque fois qu'il obéit à Allah, il s'élève d'un degré. Il ne cesse de s'élever jusqu'à compter parmi les membres des plus hauts degrés. Au cours de son existence, l'homme peut rassembler l'élévation d'un côté et la descente de l'autre. C'est-à-dire que c'est une personne qui est sur l'islam, qui peut être même sur la sunna, mais il commet des péchés. Il glisse par moment, il chute par moment, il peut tomber même dans des grands péchés. Et il comptera parmi les membres du côté pour lequel il aura le plus se gré. Donc au final, est-ce qu'il fera partie des gens élevés ou rabaissés? Ibn al-Qayyim dit: au final, ce qu'il aura fait le plus, il sera de ce côté-là. S'il était du côté de ceux qui faisaient le plus de bien, donc il s'élevait en degré. Et s'il est du côté où il faisait le plus de mal, alors il sera abaissé. Ainsi, celui qui s'élève de 100 degrés puis descend d'un degré n'est pas comme celui dont la situation est l'inverse. Non. Puis il attire notre attention sur un point très important. Le calcul ne doit pas être faussé. C'est pas juste des additions et des soustractions. Pourquoi ? Parce que il peut monter de beaucoup de degrés, mais il peut faire une chute de beaucoup de degrés suite à la gravité du péché. Et il peut être descendu de nombreux degrés, mais il peut faire un bien immense qui l'élève énormément en degrés. On présente ici aux gens une grande erreur qui consiste à dire que l'homme peut chuter d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident et le ciel et la terre, et que son élévation de 1000 degrés n'équivaudrait pas à cette chute. Il fait des bonnes actions jusqu'à s'élever de 1000 degrés, mais il a fait un péché tellement grave que ça a fait descendre plus bas que ces 1000 degrés qu'il a acquis. Et le prophète sallam a dit, l'homme peut prononcer une parole à laquelle il ne prête aucune attention et être jeté pour cela en enfer d'une distance plus grande que celle séparant l'Orient de l'Occident. Alors quelle élévation pourrait égaler cette descente? Ici le prophète sallam dit une parole, subhanallah. Dans un hadith, le prophète sallam nous dit qu'il y avait deux personnes. Un obéissait à Allah, un faisait beaucoup de péchés. Celui qui obéissait à Allah, chaque fois qu'il le voyait, voyait l'autre faire des péchés, lui disait, archi, délaisse ce mal, arrête. Et un jour, le deuxième lui répondait, tu n'as pas été envoyé pour me surveiller. Ça, c'est une mauvaise réponse. Celui qui est conseillé doit dire, il doit remercier la parole, il doit prendre le conseil, il doit corriger immédiatement. Mais, il arrive que par faiblesse de foi, ou par orgueil ou autre, la personne répond, laisse-moi tranquille, ou toi tu ne fais que surveiller, vous, toujours vous critiquez, vous, et ainsi de suite. Et toute autre réponse dictée par Hachem. Mais le prêcheur, il doit patienter avec ces gens-là et faire preuve de sagesse et de modestie. L'homme lui répondait, tu n'as pas été envoyé pour me sauver. Tu n'as pas été envoyé par Allah pour me sauver. Un jour, le premier a vu le second faire un péché qu'il a vu très grave. Et il lui a dit, à chaque fois je te conseille, par Allah, Allah ne te pardonnera pas. Il a juré par Allah qu'il ne lui pardonnera pas. Allah Azza wa Jalla s'est mis en colère, il les a fait mourir. Et il a dit, mais Allah alayhi an aghfira li fulan. Qui est-ce qui jure par mon nom que je ne pardonnerai pas à mon serviteur encore? Il a pardonné au pécheur et lui a dit, toi rentre au paradis. Et il a mis l'autre en enfer et lui a dit, j'ai annulé toutes tes actions. Subhanallah, il était en obéissance. Il s'est mis en colère pour Allah, mais il n'a pas surveillé ça, il a dépassé les limites. Il a interdit la miséricorde d'Allah à ses serviteurs encore en vie. Il a parié sur Allah sa science, il a transgressé. Abu Hurayra, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il a dit, subhanallah, qad awbaqa dunya wa ukhra bi kalimatin wahida. Il a dit, subhanallah, avec une parole, il a anéanti tout son bas monde et tout son au-delà. Une seule parole. Et regardez la descente du shaitan. Il était élevé dans les cieux. Il vivait en compagnie des anges. Il adorait Allah seul d'un culte sincère. Une prosternation qu'il a refusée devant Adam pour Allah lui a valu une chute irrécupérable. Donc la personne ne doit pas faire des calculs, des additions et des soustractions. Mais la descente, elle peut être très dangereuse. Et la montée, par la suite, peut ne pas égaler cette descente. Peut ne pas égaler cette descente. Non. La descente est une chose en laquelle l'homme doit nécessairement tomber. Mais il en est dont la descente est due à une insouciance. Et lorsqu'il s'en réveille, il revient au degré qui était le leur. Ou à un degré plus élevé encore en fonction de leur réveil. Ibn Qayyim ici va montrer que les descentes ne sont pas au même niveau. La descente de la rafla, il a été distrait un certain temps, il revient à la droiture. Il revient à son niveau, où il peut même revenir meilleur, parce qu'il revient en regrettant le temps passé, donc il va mieux faire. Ensuite, pour la descente qui est due au fait de pratiquer une chose permise, en laquelle il ne cherche pas à obéir à Allah. Ça, c'est la perte de temps, et les futilités. Et lorsqu'il revient à l'obéissance, il revient au degré qui était le leur. Tout comme ils peuvent ne pas y parvenir, ou encore s'élever plus haut, car ils peuvent revenir avec plus d'intérêt qu'ils n'en avaient. Ou d'une manière égale. فَأَيُّ سُعُودٍ يُوَازِي هَذِي الْمَنْزِلَ وَالنُّزُولُ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْإِنسَانِ وَلَكِنَّ النَّاسَ مَنْ يَكُونُ نُزُولُهُ إِلَى غَفْلَةٍ فَهَذَا مَنْ اسْتَيْقَظَ مَتَى اسْتَيْقَظَ مِنْ غَفْلَتِهِ عَادَ إِلَى دَرَجَتِهِ أو يرفع منها بحسب يقظته، ومنهم ما يكون نزول إلى مباح لا ينوي به استعانة على الطاعة، فهذا ما تراجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجة وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. ومنهم ما يكون نزول إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، هذا قد يحتاج إلى عوده أو في عوده إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. Ensuite, il y a la descente qui est due au péché. Ça peut être de grands péchés, ça peut être de petits péchés. Qui est due à un péché mineur ou majeur. Et revenir au même degré demande alors un repentir. Un repentir sincère. On a divergé quant à savoir si, après son repentir, l'homme revenait au degré auquel il est en se basant sur le fait que le repentir efface les conséquences du péché et qu'il en est comme s'il n'avait jamais été, ou si l'homme ne revenait pas au même degré. En se basant sur le fait que le repentir porte sur l'annulation du châtiment, quant au degré perdu, ils ne reviennent pas. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجة التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه، فكأنه لم يكن أو لا يعود أو لا يعود، بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. طيب، les savants ou bien les personnes ont divergé. Quand la personne tombe et que sa chute est due à un péché, petit ou grand, certes, il doit se repentir. Mais suite à son repentir, est-ce qu'il retrouve le degré qu'il avait ou pas? Certains ont dit oui. Pourquoi? Parce que le repentir efface le péché et les effets des péchés. Et que le repentir est comme si le péché n'avait jamais été commis. Et dans le hadith, le regret est un repentir, et celui qui se repent est comme s'il n'avait pas commis le péché. Ça, c'est le premier avis. D'autres disent au moment où il a désobéi Allah, le serviteur s'est détourné d'un autre acte pouvant l'élever, et d'une élévation par l'ensemble de ses actes passés à la manière des gains qu'engendre un homme chaque jour de par l'ensemble de ses biens qu'il possède, et plus les biens augmentent, plus le profit augmente. Ainsi, au moment de la désobéissance, le serviteur a manqué une élévation et un gain de par l'ensemble de ses œuvres. Et si les œuvres reprennent, l'élévation reprend après une descente. Alors qu'avant ceci, il s'élevait toujours plus haut. Et il existe entre les deux situations un fossé immense. Ibn al-Qayyim dit, le premier avis est de dire il reprend au même niveau. Le deuxième avis est de dire non, il reprend plus bas. À l'image de celui qui a un commerce, il fait du commerce, il commerce, il vend, il achète, il monte. Mais le moment où il arrête son commerce et il passe à autre chose, lorsqu'il revient à son commerce, il ne reprend pas au même chiffre. Il y a une descente. Non, comme on dirait, il a perdu de la clientèle. Donc il commence plus bas. Donc ça, c'est le deuxième avis. C'est-à-dire de celui qui se repent et revient, il reprend plus bas. وتقر ذلك أنه كان مستعدا للاشتغال بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لسعود آخر وارتقاء تحمله أعماله السارفة. بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح. قد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع ربح تحمل أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف سعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من أسفل إلى أعلى، وبينهما بون عظيم. قالوا ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء فنزول أحدهما لأسفل لو درجة ولو درجة واحدة ثم استأنف السعود فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. Il y a un autre exemple. D'autres ont dit que cela était similaire à deux hommes semblables grimpant chacun sur une échelle sans fin. Deux personnes sont au même niveau et ils grimpent une échelle sans fin. L'un d'eux descend plus bas. Il descend d'un degré par exemple. Ne serait-ce que d'un degré. Puis reprend l'élévation. De cette manière, celui qui n'est pas descendu le devancera forcément. Si les gens descendent, non, s'il y en a un qui descend et l'autre continue à monter, même si le deuxième ne descend plus, forcément, ils ne seront pas au même niveau. Il y en a un qui sera à un niveau plus bas. Puis il nous dit quel est l'avis qui est juste dans cette question. وحكم الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى بين الطائفتين حكما مقبولا حكما مقبولا فقط. Il nous dit que ابن تيمية رحمه الله تعالى a jugé entre ces deux groupes d'un avis accepté. فقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته. Ibn Taymiyyah dit, l'avis réel est que parmi ces gens-là, ceux qui font des péchés et tombent, certains suite au repentir reviennent au même niveau. C'est la première catégorie. Certains suite au repentir reviennent au même niveau et le dépassent même. Ils reviennent à un meilleur niveau. Et le troisième avis, et la troisième catégorie, c'est qu'ils reviennent à un niveau inférieur. Ils reviennent à un niveau inférieur. Puis Ibn al-Qayyim explique cela, il dit قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها. Ibn al-Qayyim dit cela dépend de la force de son repentir et de sa perfection. وما حدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا من قبل الخطيئة فهذا قد تكون الخطيئة في حق رحمة فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقة بنفسه وإدلاله بأعماله وضعت خد ذراعته وذله وانكساره على عتب باب سيده ومولاه وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له ومولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجت من قلبي صولة الطاعة وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يستكبر بها أن يشمخ أو يشمخ بها أو يستكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته قد عرف نفسه بالنقص والذنب وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء C'est un passage semblable à un passage du début du livre Al-Wab al-Sayyib d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parle du péché commis, qui est une miséricorde pour certaines personnes suite à leur repentir et leur état. Lisez-le, il est très bénéfique. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala s'est prononcé de manière juste entre les deux groupes en disant ce qui est correct est que certains de ceux qui se repentent reviennent à un degré plus élevé, d'autres à un degré semblable et d'autres à un degré plus bas. Ceci en fonction de la force et de la perfection du repentir et des conséquences du péché sur le serviteur en termes d'humilité, de soumission, de pénitence, de peur d'Allah, de pleurs par crainte d'Allah. Certaines personnes suite au péché commis, elles s'humilient tellement devant Allah, leurs larmes ne cessent de couler, ils cessent de regretter, d'avoir honte et de la pudeur envers Allah, que cela le fait revenir à un niveau encore plus grand et meilleur que ce qu'il avait avant son péché. Ibn Qayyim explique et dit: ces choses peuvent se renforcer au point d'amener celui qui se repent à un degré plus élevé que celui qui était le sien, et au fait d'être, après son repentir, meilleur qu'avant cette faute. S'il en est ainsi, cette faute aura été une miséricorde pour celui qui la commise. Subhanallah. Pour lui, ça aura été une rahma. Ça aura été une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jalla. Allah a décrété cette chose-là. Il est tombé dedans, mais il s'en est repenti. Et il y a des sagesses qui ont découlé de ce mal. C'est qu'il est revenu vers Allah d'une meilleure manière que celle qu'il faisait avant le péché. S'il en est ainsi, cette faute aura été une miséricorde pour lui, pour qui l'a commise, car elle lui aura ôté le mal de la suffisance et l'aura débarrassé de sa confiance démesurée en lui et en ses œuvres. La personne qui est tombée dans ce péché auparavant, il était content et fier de ses bonnes actions en se voyant une place chez Allah, en se voyant mieux chez Allah. Après avoir commis ce péché, il se dit: subhanallah, moi je fais ça, c'est que vraiment je n'étais pas à la hauteur que je pensais de moi-même. En vrai, je suis un simple pécheur. En vrai, je suis faible et sans Allah, je suis rien. Et il commence à avoir cette vision de lui-même. Cette vision-là lui sera très bénéfique. De même qu'elle aura posé la joue de son imploration, son humilité et son dénuement sur le seuil de la porte de son Seigneur et Maître, en lui faisant connaître sa valeur, en lui faisant voir sa pauvreté et son besoin de la protection de son Seigneur et Maître. De même que l'indulgence et le pardon qu'il lui accorde. En faisant ses fautes, il va voir qu'en réalité, il ne peut se passer du pardon d'Allah, de l'aide d'Allah, de la préservation, de la protection d'Allah. Et que c'est que Allah qui le maintenait dans ce bien-là. Et que sans Allah, il flanche comme il a flanché ici. Elle aura également extrait de son cœur l'impétuosité de l'obéissance. De même qu'elle l'empêchera de s'en infatuer et de s'enorgueillir, de s'en enorgueillir ou de considérer qu'il est meilleur qu'autrui. Certaines personnes qui sont fortes par Allah dans certaines adorations ont tendance à mépriser d'autres personnes de leur entourage parce qu'elles n'ont pas cette dévotion dans cette action précise. Quelqu'un par exemple fait beaucoup de sadaqat, Allah lui a facilité cette ibad. Chaque jour il donne des sadaqat et dès qu'on lui demande de l'aide, il est là. Dès qu'il faut aider, il est là. Donc il va regarder ceux qui ne donnent pas avec un regard supérieur. Il va se voir plus pur. Et il va avoir comme conviction qu'il est meilleur qu'eux. Allah Azza wa Jalla décrète cela. Ainsi, il voit que ces gens-là qu'il méprisait, eux ne font pas ce péché que lui a commis. Naam, ils sortent leurs zakat. Et ils donnent de temps en temps. Naam, si ce n'est que lui, on lui avait ouvert cette porte. Mais ça ne doit pas le faire tomber dans ce piège-là, qui est de se voir meilleur que parce qu'il a une adoration dans laquelle on lui a facilité. Il doit être humble. Elle l'aura placé devant son Seigneur à la place de ceux qui commettent des fautes et des péchés, tête baissée devant son Seigneur, gêné devant lui, craintif et apeuré, méprisant ses actes d'obéissance, trouvant immense son péché, reconnaissant son manquement et sa bassesse, son Seigneur détenant seul la perfection, la louange et la réalisation de sa promesse. Comme il a été dit, Allah est le seul à respecter sa parole et mériter les louanges. Et les blâmes ne peuvent être adressées qu'à l'être humain. Wa kama qil ista'thara Allah bil wafa wa bil hamdi wa walla al malamata ar rajula ista'thara Allah bil wafa wa bil hamdi wa walla al malamata ar rajula. Ça, c'est un point très important. C'est la leçon reçue par le serviteur lors du péché, alors qu'il était sur la piété. Mais cette piété-là, elle n'était pas mada, régie ou surveillée par la faiblesse. Et le fait de savoir que la hawla wa la quwwata illa billah, que c'est que grâce à Allah, elle n'était pas assez accompagnée de reconnaissance. Elle était vue trop haute par rapport à ce que c'était. Naam. Alors, il tombe de haut et ainsi il connaît sa valeur et son besoin devant Allah Azza wa Jalla. Ainsi, il considère pour tout bienfait qui lui provient d'Allah qu'il est trop important pour lui, ne le mérite pas et n'en est pas digne. Et pour tout fléau ou malheur qui le frappe, il considère qu'il le mérite, voire plus que cela, que son maître a été bon envers lui en ne le châtiant pas à mesure de son méfait, ni même de la moitié ou de la plus infime partie de celui-ci. Ça l'a tellement recadré que par la suite, lorsqu'il reçoit un bienfait, il dit « je ne le mérite pas ». Et quand il reçoit une épreuve, il dit « je la mérite » et il remercie même Allah de l'épreuve, parce qu'il sait qu'il mérite pire que cela, ou plus que cela plutôt, du fait qu'il a bien plus de péchés. Ainsi, le relatif vise les, yani ceux qui le touchent. فَأَيُّ نِعْمَةٍ وَصَلَتْ مِنَ اللَّهِ لَيْسْتَكْتَرَهَا عَلَى نَفْسِي وَأَيُّ لِنَفْسِي وراء نفسه دونها ولم يرها أهلا لها وأي نقمة أو بلية وصلت إليه وأي نفس رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه فإنما يستحق من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز فإن الذنب وإن سر فإنما مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير الذي لا شيء أكبر منه الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل منه والأجمل المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستحق يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذاء فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض ولولا أن رحمته غلبت عظمه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق بمقابلته به ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول وإن زالت نمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور وهما الحليم والغفور كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه من جنات ومغفرة للعصاة لما استقرت السماوات والأرض وقد أخبر سبحانه عن بعض كفرة كفر عباد أنه تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف في نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف في أمره ونحن معاشر الحمقى كما قيل نسل الذنوب إلى الذنوب ونرتدي درج الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. Ainsi, il considère le fait de commettre un péché, car ce qu'il mérite comme châtiment ne peut être supporté pas même par les montagnes fermement ancrées. Alors que dire de cet homme faible et incapable? Le fait de commettre un péché, aussi minime soit-il, face à l'immense, le grand, le majestueux, devant lequel rien n'est plus immense, plus grand, plus majestueux et plus beau, celui qui accorde toute forme de bienfait minime et grand, commettre ce péché compte parmi les plus ignobles, les laides et hideuses choses qui soient. Ne serait-ce qu'agir de la sorte devant les puissants et dignitaires de ce monde et réprouvé par tout un chacun croyant en écrit. Le fait de se comporter de cette mauvaise manière envers une créature qui a un rang élevé, c'est une mauvaise chose. Que dire alors de se comporter ainsi envers le grand, l'immense Allah subhanahu wa ta'ala? Les hommes les plus vils et les moins honorables sont ceux devant lesquels on commet des actes vils. Alors que dire devant les le maître et la divinité d'être adorée des cieux et de la terre? Si sa miséricorde n'avait pas dominé sa colère et le dessus sur sa colère et son pardon devancé son châtiment, la terre se serait retournée sur celui qui agit devant lui d'une manière qui ne lui convient pas. Sans sa clémence et son pardon, les cieux et la terre auraient été secoués par les péchés des hommes. Comme dans le verset de Sourate Fatir, selon la traduction et puis de Sourate Maria, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient nul autre après lui ne pourrait les retenir. Il est certes clément et pardonneur. Médite sur la conclusion de ce verset par ces deux noms, que sont Al-Halim et Al-Rafour, le clément et le pardonneur. Comment tu constates sous cela que sans sa clémence vis-à-vis des criminels et son pardon envers les pécheurs, les cieux et la terre ne se maintiendraient pas? Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné une mécréance de ses serviteurs et a dit: peu s'en faut qu'à ces mots les cieux ne se déchirent, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Allah a expulsé les deux parents, Adam et Hawa, du paradis en raison d'un seul péché commis, s'opposant ainsi à son interdiction. Il a maudit Iblis, expulsé de son royaume des cieux, il a expulsé du royaume des cieux et de la terre pour un seul péché commis, s'opposant ainsi à son ordre. Et nous, les idiots, nous sommes, comme il a été dit, nous faisons suivre les péchés par un autre et nous espérons atteindre les jardins des délices éternels. Alors que nous savons que les deux parents étaient expulsés de leur plus haut degré pour un seul péché. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما قال كان قبل الخطيئة وأرفع درجة وقد تضعف الخطيئة صحته وتوهن عزمه وتمرض قلبه فلا يقوى دواء التوبة على إعادة إلى صحة الأولى فلا يعود إلى درجته وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت يعود إلى مثل عمله ويعود إلى درجته وهكذا كل إذا كان نزول إلى معصية إن كان نزول إلى أمر يقدح بأصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحب سعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. De même, ou plutôt, en somme, après le repentir, l'homme peut être meilleur qu'il ne l'était avant sa faute et occuper un degré plus élevé. Cette faute peut également affaiblir son attention, faire faillir sa détermination et rendre son cœur malade, si bien que le remède du repentir ne peut le faire revenir à la santé qui était la sienne, si bien qu'il ne revient pas au rang qu'il occupait. De même, la maladie peut disparaître et la santé revenir telle qu'elle était, si bien qu'il revienne aux œuvres et aux degrés qui étaient les siens. Tout ceci, tout ce qu'a dit jusqu'à présent Ibn Qayyim, c'est dans le cas où il n'est pas tombé dans les annulatifs du din, dans Shirk Akbar, Kufr Akbar, Nifaq, le doute et ainsi de suite. Tout ceci si sa descente est due à un péché. Mais si elle est due à une chose qui touche un fondement de sa foi, comme les doutes, les soupçons et l'hypocrisie, c'est là une descente dont on ne peut espérer une élévation pour qui s'en voit atteint que par le renouvellement total de son islam. Celui qui descend par une chose qui annule son digne, pour revenir, pour remonter, alors il lui faut un repentir, na'am, qui est le renouvellement de son islam. Parce que celui qui tombe dans l'hypocrisie majeure ou dans le doute N'aime pas le doute de ceux qui sont malades par waswas, le vrai doute. N'aime, il a un doute. Est-ce qu'Allah existe ou n'existe pas? Il a un doute. Est-ce que la vérité c'est l'islam ou pas? N'aime, il a des doutes vraiment dans les bases de son dit. Peut-être que tout cela est faux, que les anges n'existent pas, qu'Allah. Ça, c'est du doute qui vient toucher au fondement de sa religion. Là, il a besoin de renouveler carrément son islam. N'aime. هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارزقنا انت خير الرازقين اللهم ارزقنا انت خير الرازقين برزق الابدان وبرزق القلوب يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين